help me. Compliqué de jouer de la chanson jazz. Tant que tu perds en mandant. The new girl. The music baby. To play me. Ah, Thomas. Un petit peu d'harmonica va nous détendre. There the way. Bien joué. Viens jouer de l'harmonica, s'il te plaît. Ça va nous too complicate. Bifio. Putain, y'a plus de musique. Ah, y'a une guitare. Dans mon dépérant, de mon rembédant. Alors j'aurais. Ça va l'Italie, vous êtes pas trop emmerdé avec le coronavirus. Ça va. On va même pas voir le match en Italie, nous. Quelle heure est-il? On a peur du corona. Guantanamera, no será Guantanamera, Guantanamera. Mais non, mais c'est compliqué votre musique, là. Il y a 50 000 accords, alors c'est difficile. Yo, tú en francés, pero yo te voy a hablar en español. A simple song. No me entero de nada, pero tú sigue hablando. Ay, eras bien. A little progression of chords. Vaya. Guantanamera. Vaya, Guantanamera. Summertime. Physical. Non, mais ils aiment pas cette musique. Ils aimeront pas cette musique. Ils aiment pas, c'est de la merde. En serio? No. Est-ce qu'il marche le compresseur là? C'est la basse. Non. Ah, j'arrive pas à jouer. You like the funk music? You like funk music or not? No, no, no, not funk. Jazz. One moment. Afrique, c'est chic. For first lady of song? Is that her nickname? One mountain. I see so. The chart. Summertime. And the liver.